Ok. Là pour le 100 mètres, volume 2, cousin. Ok, cousin. Le chien met des coups de ça va, sinon moi écoute coup ça va, vas-y écoute ça, mets-toi bien. Ghetto youth, coup de sable, des coups bas, des coups hauts, des coups de tête, des coups de couteau. C'est chaud parce que la vie en 2009, c'est cher. Big rappeur, on est tous truands de la galère, on veut une Porsche, ouais. Et le cash qui va derrière, moi et mes frères face à l'état. On est pris pour cible, alors on reste entre nous. On évite la grippe partie. J'arrive de Grenoble, j'ouvre ma gueule pour mes bonhommes. Mes capras qui tabassent, le volant de bolide qui bombarde. Depuis 11 septembre, on a tous gardé la barre. Regardez là-bas, on s'est agressé par un passement de on nique les flics, en civil ou en bac mobile. Si t'en tiens, crève le frère, y'a plus d'un mobile. Quand ça s'embrouille, on se déplace, on est plus d'un mobile. On s'en bat les couilles des pertes, on produit Tchernobyl. J'te rentre dedans, même si t'as le gabarit, trop nébile. Le rap, j'suis dans, mais plus souvent, frère, j'brasse des kills. On se connaît pas, on s'embrouille, on s'en prend, t'es qui. Suis chacun de mes pas, et ma couille, tu vas en frappe, c'est qui. On pète les records, on nique les rapins. Pipi, crame, morsaille, on est trop fort. On représente pour tous les gars qui dorment dehors. Si tu casses la bijouterie, ta caisse, t'achètes tout l'or. Ça bicrave toute l'année, bicrave du matin jusqu'au soir, même en été. Amarnia, plaque tournante, respectée comme à Alger. Les refrains, ils sont tous déterminés. Certains gadgets du quartier rêve à tout prix de faire un casse-bélier. Sache un truc dans le rap, j'suis pas peigné. Tu sors garde-off, t'as rien gémant. Mali, j'considère ça comme une journée que t'as jeûné. Dès le matin, tu te fais ninir avec un ouange au déjeuner. Toute la journée, j'évite des personnes car leur bouche ramène des condés. J'joue pas de foot, où j'vais crouler. ZZZF, Morsaille, associé avec des youves de Grenoble. Ton rap de Zamel est sob, c'est pour les snobs. Au tribunal, t'évites le F, mais la prochaine fois t'auras pas de boule. On est des youves avec la boule, pendant qu'une pute nous lèche les boules. On fait des tubes avec des cagoules, triomphe la galère. Ouais, ouais, ouais, équipe de merde, boule. Hey, une grande dédicace à Village de la Sud, Mistral, et aussi à Villeneuve, Fontaine, SMH, et aussi à mon poteau, Tiarmi. Et à ZRF aussi, et à tous ceux qui nous aiment pas. Et à le patineux vous baise en blanchette. Et bah nous on vous baise avec deux blanchettes. Comme ça on rapporte tout le monde.